Perte et gain, histoire d'un converti, note B. À Oxford, ce qu'il y a de plus rare, c'est un bâtiment qui ne soit pas historique. Toutes ces longues murailles entrecoupées de tourelles, ces toits surmontés de dômes, ces porches en ogive, ce sont des rois et des reines, des cardinaux, des ministres ou des princes qui les ont bâtis. On dirait que les simples bourgeois ont été bannis lors de la construction de la ville savante. Le voyageur est comme étourdi des grands noms que lui redit son guide, en le promenant à travers tous les magnifiques collèges, à celui de Sainte-Madeleine, car la protestante université d'Oxford a conservé toutes les anciennes dénominations catholiques de collège de Toussaint, de toutes âmes, de Corpus Christi, etc. On vous montre le tombeau du fondateur Wenflet, chancelier du malheureux Henri VI. Au Queen College, on vous cite Robert d'Eglesfield, confesseur de la reine Philippa d'Espagne, femme d'Édouard III. À University College, c'est Alfred, roi troubadour et guerrier, qui le premier rassembla dans ce lieu quelques enfants de la harpe et de la science. Plus loin, à Oriel College, vous entendez le nom d'Édouard II, Balliol College redit celui de son fondateur, Jean Balliol, père de Balliol, roi d'Écosse. Puis vous entendez citer les patrons, les saints de la Réformation protestante, le chaste Henri VIII, la Vierge Reine Élisabeth et le cardinal Wolsey dans ces vastes et nobles collèges. Les chapelles attirent toujours l'attention des voyageurs. C'est la partie la plus soignée. Pas une pierre ne manque à leur voûte, pas une feuille à leur corniche. Les statues même de ces saints que l'on y vénère plus sont réparées avec un soin extrême. Nous avons remarqué des têtes nouvelles remises sur les corps de Sainte Ursule et de Sainte Brigitte. En vérité, si, comme je le crois, le catholicisme rentre un jour dans ces vieilles églises d'Angleterre, il n'aura à y rapporter que des tabernacles et des confessionnaux. Parmi les édifices sacrés de l'université, l'église de New College est ce qu'il y a de plus cité. C'est là que nous avons admiré de beaux vitraux. On nous a montré dans le sanctuaire de cette chapelle la crosse de Wykeham, évêque de Winchester. Ce bâton pastoral est en vermeil et orné de pierres précieuses incrustées, et à 7 pieds de haut, il porte dans sa partie recourbée la figure du saint fondateur du collège. Il me semble que cette crosse doit faire un singulier effet entre les mains d'un évêque protestant. À Jésus College, on fait voir aux visiteurs une montre qui a appartenu à Charles Ier. Qui n'aurait cru autrefois que la montre d'un roi ne devait lui indiquer que des heures heureuses. Et cependant cette montre lui a fait voir le 29 janvier 1648, sa dernière heure, celle de son exécution. Ce collège a conservé aussi un énorme étrier qui servait jadis à Élisabeth, et un bol en vermeil qui contient 10 gallons et pèse 278 onces. Dans différents endroits nous avons vu de ces vases énormes où les Anglais aiment à faire brûler le punch pour leurs grands jours de fête et de réjouissance. Au musée Ashmolean fondé par Elias Ashmole, et bâti par Sir Christopher Warren, il y a une foule de choses curieuses que bien des gens appellent vieilleries, entre autres, un amulette, jadis porté par Alfred le Grand. D'un côté la figure de Saint Cuthbert, et de l'autre une fleur grossièrement taillée. Les ornements sont d'or, et sur une plaque on lit en lettres saxonnes. Alfred m'a fait faire. L'épée offerte par Léon X à Henri VIII. Le livre qui explique toutes ces curiosités dit que ce qu'il y a de plus curieux dans cette épée, c'est la poignée qui est de cristal et d'argent. Ce qui nous a semblé le plus curieux, À nous, c'est de voir cette épée donnée aux défenseurs de la foi par les mains d'un pape, précieusement conservée par le prince apostat. Le Collège de la Trinité possède un magnifique calice en vermeil, jadis de l'abbaye de Saint-Alban. Le Collège de Christ Church déploie une belle façade de plus de 400 pieds, la porte principale, flanquée de quatre tourelles, est surmontée d'une haute tour terminée en dôme. C'est au fameux Christopher Wren que l'on doit la régularité et la majesté de ce monument. La grande salle ou le réfectoire, l'escalier, le vestibule, sa voûte surtout, sont très remarquables. Le réfectoire a 115 pieds de long, 40 de large et 50 de haut. Comme l'honneur de recevoir les rois d'Angleterre appartient à Christ Church College, cette vaste salle a bien des fois reçu des convives couronnés, Henri VIII, en 1533, la Reine Vierge, en 1566, Jacques Ier le Bel Esprit, en 1591, et, plus tard, son infortuné fils. En 1814, on vit sous ses nobles voûtes une bien illustre assemblée, Georges IV, alors prince régent, Alexandre, empereur de toutes les Russies, François, empereur d'Allemagne et roi des Romains, Guillaume, roi de Prusse, le feu duc d'York, la grande duchesse d'Oldenbourg. Oxford se souvient avec fierté de cette visite, de cet hommage rendu aux muses par des empereurs et des rois qui s'honorèrent de recevoir des diplômes de membres de son université. Dans la chapelle de Christ Church College, on montre la châsse de Saint-Frédéric. Elle est surmontée d'un dais de pierre à petit pinacle gothique d'un travail précieux. Les 19 collèges réunis de l'université et les 5 halls comptent près de 5000 étudiants dans cette Angleterre que certaines gens nous citent sans cesse comme la terre classique de la liberté. Les étudiants des universités ne sont pas indistinctement confondus. Nous avons vu dans les réfectoires des places privilégiées pour les jeunes nobles. Le fils d'un noble, d'un homme titré à deux habits, celui des grands jours et de soie violette damassée, richement ornée de galons d'or, celui des jours ordinaires est une toche de soie noire. Après ces fils d'hommes titrés viennent les gentlemen commoners, qui ont deux toches de soie, l'une unie, et l'autre chargé de glands de soie noire. Les simples commoners ont la toge en laine et sans manches. Les nobles ont la toque de velours avec le gland d'or. Les gentlemen, en velours, mais avec un gland de soie. Et les commoners, en drap noir avec une touffe de soie. Le premier dignitaire de l'université est le chancelier. On a toujours soin de le choisir dans les hauts rangs de la société, il faut qu'il ait été élevé à Oxford. Car on veut que ce protecteur aime l'université avec tous les souvenirs de son jeune âge. Le vice-chancelier, nommé par le chancelier, est tenu à résidence, c'est lui qui, de concert avec 4 pro-vice-chanceliers, surveille tous les collèges et les halls, y maintient la discipline et l'observance des anciens statuts. La bibliothèque bodléienne fondée par Sir Thomas Bodley est la plus riche et la plus remarquable de toutes les bibliothèques des différents collèges d'Oxford. Tout membre gradué a droit d'y venir étudier. On y voit un grand nombre de manuscrits orientaux, elle compte 430 000 volumes. En parcourant cette belle bibliothèque, l'année dernière, nous n'avons pas été peu surpris de voir parmi les nombreux portraits dont elle est ornée, celui d'un prêtre catholique en surplis. Notre étonnement a cessé, lorsque nous avons lu sur le catalogue le nom du personnage que cette toile représente, c'est le père Le Courrier, si tristement célèbre. Il doit l'honneur de se trouver dans une place si étrange à son ouvrage, intitulé « Dissertation sur la validité des ordinations anglicanes ». Je vous ai parlé du chancelier, mais il faut que je vous cite encore une autre charge que les temps auraient pu supprimer, et que l'université a conservée, celle de barbier ou tonsor. Le barbier est encore un personnage, les dignitaires lui doivent les égards de la fraternité, et lui donnent à souper une fois par an dans les grands appartements. Il ne frise ni ne poudre plus, il rase rarement, mais il n'en est pas moins incorporé et immatriculé. Confère lettre sur l'Angleterre, par le vicomte Walsh, 1829. Lettre 10. Markendanarchive.org, 2023 d'après Gallica BNF-FR, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.